La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Carlotta Daro pour évoquer le livre Avant-garde sonore en architecture, paru aux Presses du Réel. L'ensemble Accor sur la radio parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo, interprétant une pièce de Zarlino. Bonjour, Carlotta Daro. Bonjour. Ce Zarlino, il focalise dans l'histoire de la musique déjà une sorte de rapport entre musique et architecture, mais un rapport complètement idéalisé. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un peu le... Pour moi, c'est un peu le point de départ. En fait, mon travail, il vient d'une recherche pour une thèse de doctorat. Donc, au début, mon intérêt suivait plusieurs directions, était très vaste. Et effectivement, le premier réflexe, souvent, et je le vois même avec mes étudiants, lorsqu'on traite le rapport entre musique et architecture, est celui qui vient de cette tradition, une tradition humaniste très... Oui, c'est très un compositeur italien de la Renaissance. Exactement. Mais qui se fonde aussi sur des traités, des principes qui remontent même à l'Antiquité qui mettrait en relation cette discipline artistique à partir de rapports d'harmonie et de proportion. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend les travaux de l'Antiquité de Pythagore, oui. Où il y a des analogies entre géométrie et harmonie, sauf que lui cherche à les corriger, en fait. Oui, alors, il cherche à en redonner une définition. Bah, comme tous ces humanistes de la Renaissance, en fait, il se réfère à des traités de l'Antiquité pour après en faire une version corrigée, effectivement, qui s'adapte à l'art de leur temps. Et effectivement, donc, il redéfinit un peu sa vision de l'échelle, des proportions qui construisent les rapports musicaux. Et à partir de ces phénomènes de rapports, enfin de ces rapports qui existent dans le domaine musical, il propose aussi une lecture, enfin ça c'est après une réinterprétation qui propose des lectures qui se reflètent aussi dans le domaine de l'architecture. Et donc ça serait lire ces deux domaines musicaux à partir de correspondances entre des nombres et des proportions. Donc ça reste un rapport, on pourrait presque dire, strictement intellectuel. Absolument, oui, qui n'a rien de matériel. Et c'est là, donc, que j'ai pris mes distances. Parce que ce qui m'intéressait, moi, personnellement, pour mes propres intérêts, c'était de travailler plutôt sur un rapport réel, existant et physique entre le son existant et l'architecture. Et donc, ce n'était pas dans l'abstraction, dans le concept, dans la conceptualisation, mais c'était dans une sorte de rencontre entre deux types de matières, bien sûr, évidemment, très différentes. Alors, c'est comme ça que vous en venez aussi à traiter des interférences ou même des collaborations qu'il peut y avoir entre architectes et musiciens. On va en parler dans un instant en prenant une année, qui est l'année 1895. Je vous propose d'écouter une œuvre qui a été composée cette année-là, c'est la symphonie Résurrection, la deuxième symphonie de Mahler. Donc voici le mouvement Urlicht. Thank you. extrait de la deuxième symphonie de Gustav Mahler, une symphonie composée en 1895. Carlotta Darrow, nous parlons de votre ouvrage Avant-garde sonore en architecture, où vous racontez le cas du président de la faculté d'Harvard, qui demande au physicien américain Wallace Clement Sabine, donc en 1895, de résoudre un problème d'intelligibilité sonore d'une salle de conférence. Oui, donc c'est ce qu'on appelle un peu le début de l'acoustique architecturale, c'est-à-dire que c'est la première fois où on essaie, enfin jusqu'à présent, disons que la correction des salles de concert ou vouées à la musique, ou en tout cas à l'écoute, était traitée de manière très empirique, avec bien sûr des connaissances, mais basées sur l'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on essaye de tirer des règles, des principes qui pourraient s'appliquer de manière plus générale. Et donc à produire une science de la question sonore de l'architecture. Alors l'acoustique existait, des principes d'acoustique existaient, ça remonte même à des temps assez anciens. Le mot est créé en 1700. Oui, c'est Sauveur, je crois, ouais. Sauveur, oui, qui avait oui, inventé ce nouveau terme, mais qui en réalité désignait quelque chose qui était déjà présent avant. Kircher faisait déjà des expériences qu'on peut déjà dire ce sont des prémices de ce que devient la science acoustique. Mais l'idée de l'appliquer de manière systématique à la construction, ou en tout cas au bâti, c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là. Et donc, effectivement, on demande à un physicien qui n'était pas du tout spécialisé dans la transmission du son en particulier, mais de faire une série d'expériences, d'études, pour essayer de corriger ces défauts de cette salle de conférence. Et donc, Sabine commence à faire à appliquer une approche méthodique, c'est-à-dire elle commence à appliquer des molletons, des coussins, enfin des matériaux absorbants à l'intérieur de cette salle, et il mesure le temps de réverbération par rapport au volume de la salle, le matériau absorbant, donc le coefficient d'absorption de ces matériaux, et donc il en déduit donc le temps de réverbération qui effectivement diminue au fur et à mesure qu'on ajoute et on place ces matériaux d'absorption. Et donc, il en tire une formule qui encore aujourd'hui est d'actualité, donc une formule qui permet, à partir de ces variables, de définir le temps de réverbération d'une salle. Et 5 ans plus tard, en fait, il va collaborer cette fois-ci pour un projet nouveau pour la Symphony Hall de Boston en 1900. Il va collaborer avec 3 architectes locaux pour la réalisation de cette salle. Et donc, c'est la première fois qu'on a une salle qui est construite avec, vous dites, des normes calculées au préalable, voilà, sur la base des lois acoustiques. La participation véritable de quelqu'un qui incarne la figure du conseiller acoustique. Donc, il va donner des indications à la fois sur la forme, il reprend un modèle d'une salle qui se trouvait à Dresde, donc une sorte de boîte à chaussures classique, mais il en reprend un peu les proportions, même si elles sont changées, bien sûr. Il ajoute des éléments décoratifs à l'intérieur. Enfin, il demande aux architectes d'ajouter certains éléments qui sont visuellement décoratifs, mais qui en réalité jouaient un rôle important au niveau de l'absorption, comme des statues, des niches, un balcon filant autour de la salle, sur les 3 côtés. Donc tout ça rentre dans les calculs de cette fameuse formule définie, établie par le scientifique. En même temps qu'en ce tout début de XXe siècle, ce qu'on écrit sur l'acoustique des lieux n'est pas que scientifique. Vous vous arrêtez sur un écrit de l'Autrichien Adolf Loos, oui, qui s'intitule « Le mystère de l'acoustique », dans lequel on trouve des considérations assez étranges même. C'est ça qui, pour moi, est passionnant, parce que d'un côté, on suit la définition de cette science, que jusqu'à nos jours, elle devient de plus en plus pointue, avec des possibilités de simulation, de la transmission du son, et voilà, on peut essayer d'anticiper énormément le phénomène de transmission sonore. Et en même temps, en parallèle, on a encore des sortes de croyances absolument mystiques et très poétiques quelque part, mais qui en même temps elles sont aussi intéressantes à interroger. Donc Adolphe Loos, effectivement, dans ce texte de 1912, il s'exprimait en fonction d'une salle à Vienne, la salle Bösendorfer, qui devait être démolie. Et donc il y avait une sorte de débat, et lui il s'exprime pour la préservation de cette salle, mais il en fait tout un argumentaire assez surprenant, parce que, enfin, mis à part qu'il faut aussi remarquer que Loos était sourd, enfin, fortement malentendant, mais en même temps il avait toute une hypothèse vis-à-vis de la transmission du son et de la capacité du son à forger la matière dans laquelle il est contenu. Oui, parce que, alors il écrit « Pour conférer à une salle une bonne acoustique, faut-il donc y jouer de la musique ? Non, cela ne suffit pas, il faut y jouer de la bonne musique, c'est car ça. On peut tromper les âmes des hommes, mais non pas l'âme du matériau. » C'est ça. Donc, pour lui, les murs d'une salle où on aurait joué de la bonne musique conserveraient une sorte de mémoire qui pourrait conférer une acoustique qu'on pourrait classifier, enfin, qu'il n'hésitait pas à classifier comme une bonne acoustique. Et alors qu'il dit, plus loin, il dit aussi que si on joue trop de cuivre, de toute évidence, il n'aimait pas ce type de timbre. Il accuse les cuivres de détériorer l'acoustique des lieux. Détériorer éventuellement l'acoustique des lieux. Et dans ce cas, à l'occurrence, cette salle de Vienne, il trouvait que l'acoustique était très bonne grâce à tout ce qu'on avait pu jouer auparavant, et donc quelque part la matière conservait cette grâce harmonieuse qui avait été jouée à l'intérieur de cet espace. Et parmi les illustres musiciens qu'il cite, il y a Franz Liszt. Kirill Kondrachin à la tête de l'Orchestre symphonique de Londres avec Vyatoslav Richter au piano dans le Quasi Adagio, extrait du premier concerto de Liszt qui, ayant joué dans cette salle Bösendorfer, en a à jamais amélioré l'acoustique dans l'hypothèse de ce Adolf Loos qui écrit Le mystère de l'acoustique en 1912 et que vous citez, Carlotta Darrow, dans votre ouvrage Avant-garde sonore en architecture paru aux presses du Réel, dans lequel donc vous faites des allées et venues entre acoustique, architecturale et musique, et vous explorez comme la science est toujours en présence d'autres discours sur ce lien qui sont beaucoup plus mythologiques. On prête presque une puissance magique à la musique dans ce qu'elle fait au lieu. Ben, c'est ça, en fait, la première lecture du texte de Loos, au départ, on a la tendance à rire plutôt qu'autre chose. Mais en réalité, si on prête plus d'attention, on s'interroge plus sur les raisons de ce raisonnement, on peut trouver en fait des terrains très intéressants. En fait, ce n'est pas la première personne dans l'histoire et ce ne sera pas la dernière à s'imaginer que quand même il y a un rapport physique réel entre l'énergie, parce que le son, la transmission du son reste quand même un phénomène physique, donc il y a un mouvement d'énergie qui effectivement doit pouvoir avoir des conséquences sur la matière. De là à la forger, à la manipuler jusqu'à ce point-là, bien sûr, tout acousticien nous dira que c'est absurde, mais il y a effectivement des phénomènes où le son a été utilisé de manière très directe pour réaliser quelque chose. Bon, dans la mythologie aussi, on retrouve cette idée, comme dans le cas du mythe d'Amphion, qui fait, bon, ça c'est plutôt un pouvoir édificateur, c'est avec le son qu'il parvient à construire les murs de la ville de Thèbes, mais on trouve aussi dans les BD, dans le livre je cite aussi Tintin qui dans l'affaire Tournesol, il met en place un système de destruction des villes par des radars sonores, ce qui n'est pas très loin de la réalité, parce qu'on sait qu'aussi dans le domaine militaire, il y a effectivement un usage du son, que ce soit des infrasons ou des ultrasons, qui arrivent à avoir un pouvoir de destruction ou en tout cas de fortes gênes vis-à-vis de l'être humain. Et aussi au niveau musical, enfin, on peut utiliser le son de manière très dérangeante, de manière physique, au point de faire vibrer la matière. Oui, parce qu'il y a le cas de ce pont qui s'écroule, voilà, sous le pas des militaires, dont le rythme finit par produire une fréquence, mm-hmm, qui rentre en résonance avec le, voilà, maçon. Ça c'est un phénomène très spécifique en acoustique, c'est en fait au moment où on rentre en résonance avec la fréquence même de l'objet, en fait on peut arriver à rompre l'objet en question. Donc il y a le cas du concert pendant l'exécution de Haydn, et il y a le cas aussi, bien sûr, on sait que les militaires, lorsqu'ils passent sur un pont, ils doivent rompre leur marche, c'est-à-dire ils ne sont plus à l'unisson, au même rythme, pour éviter ce phénomène. C'était quoi donc la symphonie de Haydn? C'est en 1972 à Londres que le lustre est tombé, c'est ça? C'est ça, oui. Comme dans le fantôme de l'opéra, en fait. Exactement, c'est ce qu'on dit aussi lorsqu'on fait vibrer aussi un verre, par exemple, vous savez, avec le doigt et, oui, l'eau, on fait rentrer de nouveau en résonance cet objet, et on risque de trouver la résonance même de l'objet qui va aboutir à sa destruction. Et donc ça a été le cas pour cette symphonie de Haydn qui a été jouée, donc d'un coup le lustre serait tombé en mille morceaux du plafond de la salle. Est-ce que vous savez de quelle symphonie il s'agissait? Non, ça je sais, non, pas. Alors, puisque c'est comme ça, on va choisir la surprise. Carlotta Darrow est l'invitée de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte Carlo. We'll be right back. Leonard Bernstein à la tête du New York Philharmonic dans le dernier mouvement de la surprise, la symphonie en sol majeur de Haydn, qui, peut-être une autre symphonie, a fait s'écrouler un lustre à Londres en 1972. Les liens entre architecture et musique, parfois, sont même assumés comme métaphoriques quand on va donner à certains bâtiments la forme de ce qui serait une onde sonore pour signifier que c'est un lieu de musique. Oui, alors ça c'est un autre type d'approche, effectivement, et c'est aussi une approche très fréquente dans le domaine architectural, c'est-à-dire beaucoup d'architectes, lorsqu'ils se trouvent face à un programme musical ou sonore, se mettent à imaginer des formes de métaphores, d'analogies formelles qui rappellent soit un instrument musical, soit la forme de l'organe auditif ou ce type d'analogie. On a l'exemple de la Philharmonie de Berlin, qui est emblématique de Hans Schönbrunn. Oui, ou la forme extérieure, mais même à l'intérieur, effectivement, on sait que le discours était de reprendre un peu l'idée de glissandi, enfin de l'exécution musicale, et elle aurait été traduite dans des formes très expressives, donc ces paraboles qui font la silhouette de la salle en elle-même. Et à l'intérieur aussi, il y a ce vignoble, enfin tout est dans l'idée d'une sorte de générosité, de flux musical qui envahit cet espace. Et donc souvent, on choisit effectivement un langage expressif très, très formal, très audace. Dans le cas de Yannis Xenakis, en fait, on a plusieurs types d'approches. Je pense que c'est une figure très particulière. Il reste très emblématique dans ce rapport qui lie la musique et l'architecture. Tout d'abord, c'était un ingénieur, un mathématicien. Donc, à la fois, il se relie aussi à cette tradition dont on a parlé tout à l'heure, très classique. Pour lui, il y avait vraiment un rapport mathématique entre ces deux domaines. Ça, il en parle beaucoup dans ses textes, mais effectivement, dans son œuvre et dans sa contribution aussi à l'œuvre de Le Corbusier dans le pavillon Philips, il met en place aussi une forme de traduction métaphorique ou analogique du langage musical. C'est-à-dire, il reprend la partition d'une pièce qu'il avait lui-même composé quelques années auparavant de la réalisation du pavillon Philips, qui date de 58, et il reprend la partition qui était faite de glissandi très virtueux, très important, et donc il reprend la ligne de ce glissandi pour la rétroduire dans la forme du pavillon lui-même. Donc il fait cette opération de traduction ou de transposition, si on veut, d'une partition écrite musicale à la forme architecturale. Mais il ne s'arrête pas à ça, parce qu'il sera aussi l'auteur d'une pièce qui est jouée après et avant chaque spectacle. C'est une pièce interlude de 2 minutes et quelques, qui est aussi faite par une composition de Xenakis, une composition spatiale. Et donc là, on est dans une nouvelle approche, et c'est l'approche vraiment matérielle. C'est ce qui, comme je vous disais tout à l'heure, m'intéresse davantage, c'est-à-dire c'est le fait de vouloir remplir cet espace avec une véritable production sonore qui est réalisée pour ce lieu spécifique. On va donc écouter Maestasis, qui est, on peut dire, donc l'équivalent sonore de la forme architecturale du pavillon Philips, mais qui est une équivalence toute idéalisée. Finalement, on revient en mode Zarlino. Absolument. Thank you. Hans Rosbaud, la tête de l'orchestre de la radio de Baden-Baden dans Maestasis de Yanis Xenakis, équivalent sonore, disions-nous, de la forme architecturale du pavillon Philips qu'avait fait Le Corbusier en 1958 avec Xenakis. Le Corbusier avait une sensibilité à la question sonore qui lui venait d'avant. Oui, Le Corbusier, il avait une sensibilité musicale. Mais qui, bon, Le Corbusier, c'est quelqu'un toujours qui a des positions un peu sur tout. Et donc, à la fois dans ses discours, il utilisait souvent des analogies au monde musical. À un moment, il parle aussi de paysages acoustiques, en référence à l'œuvre de Rochant, Notre-Dame de Rochant. En fait, il dit que la forme découlait plutôt d'une réponse acoustique au site en lui-même. Et là, de nouveau, on retrouve une forme très expressive, très... oui, qui sort complètement de son langage orthogonal, géométrique, qui caractérise un peu Le Corbusier moderniste tel qu'on connaît, on le connaît principalement. Le Corbusier avait une sensibilité musicale parce que aussi dans sa famille, c'était sa mère, je crois, musicienne. Son frère devient aussi musicien. Il raconte aussi dans ses textes comment, à quel point il avait été sensibilisé dans son voyage aux États-Unis par la musique jazz. Donc, c'est récurrent dans son discours, dans son... Oui, parce qu'il compare la musique de jazz avec les gratte-ciels de Manhattan, mais oui. Où est le rapport? Alors ça, il y a toujours un côté mystérieux dans l'écriture de Le Corbusier. Peut-être, moi, je pourrais m'imaginer que c'est à la fois le fait que le jazz se fonde à la fois sur une grille, une structure harmonique qu'on donne, mais à la fois, il y a aussi un élément de liberté. Bon, vous me direz, dans les gratte-ciels, on ne peut pas vraiment prendre énormément de liberté, mais peut-être le fait que, oui, ça se construit sur des grilles qui après peuvent être modulées, changées et réinterprétées, mais peut-être c'est cette manière de voir les choses, je ne sais pas, ça c'est mon interprétation des choses. Vous racontez aussi qu'il avait assisté à un concert de Louis Armstrong en 1937 et qu'il avait ensuite décrit l'effet de turbulence viscérale que cette musique pouvait produire. Oui, elle était de toute... de toute évidence, il était très sensible. Après, on sait aussi, par exemple, Xenakis, vous savez, Xenakis et Le Corbusier, à la fin de leur collaboration, qui a duré quand même longtemps, je crois que Xenakis rentre en 1947 dans l'atelier de Le Corbusier pour en partir en 1959, une année après la réalisation du pavillon Philips. Et ça se termine assez mal. Mais Xenakis dira que Le Corbusier avait envie de s'intéresser à la musique. D'ailleurs, il impose la composition d'Edgar Varese à l'intérieur du pavillon Philips, un compositeur d'avant-garde que Philips redoutait, il en avait peur, mais à la fin, il arrive à imposer cette œuvre. Et en réalité, Xenakis raconte que Le Corbusier était plutôt un intérêt conceptuel, froid. En fait, il aimait la musique de Varese parce qu'il savait que Varese avait un discours là-dessus très d'avant-garde, justement. Il disait que la musique, c'était une manipulation de sons, d'objets. Enfin, il réduisait la musique à quelque chose qui sortait de toute conception liée à la tradition classique. Et donc voilà, ça c'est le récit de Xenakis qui dit qu'en réalité la sensibilité de Le Corbusier était une sensibilité froide qui était plutôt au niveau du discours et de la posture. Now ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in. Beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jules Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crook, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to have sung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now I win the saints. Watch it. Whoa, boy. When the saints. Yes, I found it in that number. Hit it when the saints. When the Saints Go Marching, Louis Armstrong, donc pour reconstituer les turbulences viscérales de Le Corbusier. Vous évoquiez, Carlota Daro, cette collaboration à trois entre Le Corbusier, Xenakis et Varèse. C'est donc Xenakis qui impose Varèse à Le Corbusier, c'est ça? Non, c'est Le Corbusier. En fait, Le Corbusier, il avait rencontré Varèse quelques décennies plus tôt. Il avait déjà essayé de collaborer à plusieurs reprises, mais sur des projets qui n'ont jamais abouti. Avec ce compositeur qui vivait à New York, tout en étant d'origine française. Et c'est lui qui impose à Philips, donc les commanditaires du pavillon, de donner la charge, enfin la mission de réaliser cette œuvre à Varèse. Alors cette œuvre, elle s'appelle « Poème électronique ». Oui. Pourquoi ? Alors, c'était l'idée de Le Corbusier. À ça, vraiment, Le Corbusier, en fait, à ce moment-là, il était très pris. Il travaillait sur le Capitole de Chandigarh. Donc, en tant que architecte, il était très pris, occupé. Il était tout le temps en voyage. Bon, il demande à Xenakis de prendre en main la réalisation de ce pavillon, à laquelle quand même il y tenait, parce que pour lui, c'était l'idée de réaliser enfin un objet, une œuvre qui reprenait cette idée de synthèse des arts, que c'était un concept, une idée à laquelle il tenait beaucoup dans ses écrits, dans plusieurs projets, mais qui parvient vraiment à aboutir grâce à cette collaboration avec Philips en 58. Et donc l'idée de Le Corbusier de départ, c'était de faire donc une sorte de poème électronique qu'on peut interpréter de différentes manières. En fait, c'était une sorte d'hommage peut-être à la culture électronique qui devenait qui émergeait à ce moment-là dans les années 50, à la fois dans le domaine musical mais aussi dans d'autres domaines de la création. Et c'était aussi une manière de montrer que l'électronique, que ce n'était pas simplement une question de technique ou de technologie, mais c'était aussi quelque chose qui relevait de l'art, de la poétique. Et donc, je pense que c'est allié avec ce double sens. C'est-à-dire qu'il s'agissait aussi d'exalter, d'être dans plusieurs arts à la fois. Exactement, parce que le poème électronique, c'est à la fois le spectacle interne que Le Corbusier même avait réalisé avec des projections d'images qu'il avait sélectionnées. Après, il y avait un réalisateur qui avait fait un montage de ces projections, et puis il y avait des couleurs, Donc c'était un environnement total, parce qu'il y avait vraiment une synesthésie des arts. Mais le poème électronique a aussi le titre de l'œuvre de Edgar Varèse, donc simplement de la pièce musicale. Donc il y a une sorte de confusion, mais qui est volontaire, parce que c'est dans cette conception de réaliser quelque chose de total, oui, de totalisant. Autrice du livre « Avant-garde sonore en architecture », Carlota Daro est l'invitée de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un extrait du poème électronique d'Edgar Varèse, dans lequel on doit donc entendre aussi l'écho de cette collaboration avec Yannis Oxenakis et Le Corbusier, dont nous parlions avec vous, Carlotta Daro. Dans Avant-garde sonore en architecture, vous devez, à force de voir tout ce que l'avant-garde a reconfiguré du questionnement entre son et architecture, reconsidérer ce qu'on entend par bruit, puisque le siècle commence avec l'art des bruits de Luigi Russolo en 1913, qui tente de réhabiliter le bruit dans la musique. Absolument. En fait, on s'aperçoit que la musique était vraiment à l'avant-garde vis-à-vis de l'architecture ou peut-être d'autres domaines. Bon, et donc les expériences, souvent, de manière même inconsciente, involontaire, je me suis retrouvée à traiter beaucoup de l'art musical parce que c'est là qu'on retrouve les expériences plus précoces vis-à-vis de cette idée. Donc effectivement, déjà en 1913, Luigi Russolo s'exprime vis-à-vis de la manière dont le bruit n'est pas à voir comme quelque chose de nuisible, de nuisant, mais qui peut être vu comme quelque chose qui au contraire exalte l'époque moderne, donc l'époque pour eux contemporaine, avec tout le progrès, l'évolution de la civilisation dans laquelle ils vivaient. Et donc cette séparation entre ton ou son défini musical et bruit, elle devient beaucoup plus floue. Et donc plusieurs compositeurs commencent à travailler sur ces limites, sur ces définitions qui en réalité sont extrêmement arbitraires. Pour vous, le premier, c'est Charles Ives. C'est d'après ce que j'aurais trouvé, oui, je dirais que c'est les premières traces de... Mais j'en suis pas du tout sûre. En tout cas, c'est avant l'ouvrage de Russolo de 1913, bien... puisque c'est en 1906 qu'il compose Central Park in the Dark. Où effectivement, on utilise la musique plutôt pour reproduire des sonorités du monde existant. Et après, il y a des effets des miroirs, c'est-à-dire après, on aura des compositeurs qui, au contraire, font rentrer l'environnement dans leurs pièces musicales. Bon, jusqu'à arriver à l'opération de John Cage de 4 minutes 33 secondes, où on est dans un silence total au niveau de la musique, mais au contraire, on fait émerger tous les sons de l'environnement qui existent dans une pièce. Et donc, voilà, que ce soit la musique qui va vers le monde des sons, vers le monde de l'environnement sonore, ou que ce soit l'environnement sonore qui rentre dans la salle de concert, ou en tout cas dans l'espace d'écoute, on a ce travail très qu'on peut suivre comme une ligne au cours du XXe siècle. Voici Central Park in the Dark de Charles Ives. Leonard Bernstein à la tête du New York Philharmonic dans Central Park in the Dark de Charles Ives, que vous isolez comme Carlotta Darrow une possibilité de première partition pour orchestre et ville. On peut presque dire comme oui, ça. Oui, parce que oui, j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'elle était exécutée en fait à l'extérieur. Alors après, vous citiez 4 minutes 33 de 1952 oui. de John Cage comme un exemple parfaitement jusqu'au boutiste de musique faite pour entendre les bruits et l'acoustique d'une ambiance. Ça va basculer dans l'esprit avant-gardiste de Fluxus avec des dispositifs complètement expérimentaux comme ceux de Georges Brecht qui organise des sortes de events, d'happening où l'instrumentiste fait en général autre chose que de jouer son instrument mais reste dans une mise en scène autour de l'instrument pour dire que poser un pot de fleurs sur un piano, c'est déjà une pièce de musique, alors. Exactement. En fait, John Cage sera professeur d'une série d'artistes Fluxus, qui deviendront Fluxus, quand il était à New York. Et George Brecht était parmi ses étudiants. Et effectivement, il reprend cette volonté d'interroger un peu le rituel du concert. Pourquoi il s'attaquait à ce moment-là de l'interprétation musicale, c'était aussi un discours fortement social. C'est-à-dire ils avaient envie de rompre un peu avec la convention du public classique qui traditionnellement appartient à une certaine élite, enfin ceux qui allaient au concert, surtout à cette époque-là. Et étaient plutôt, oui, des gens d'une certaine élite culturelle et sociale. Et donc, ils essayent de ironiser, de mettre en dérision un peu tout ce système d'écoute presque sacrale de l'interprète qui arrive sur scène, qui s'assit déjà dans 4 minutes 33 secondes. En fait, l'interprète, il joue pas le piano, mais il rabat le couvercle sur le clavier, voilà, oui. Trois fois au moment des trois actes. Et donc Brecht continue cette opération en faisant ce geste qui devient une forme d'happening, effectivement, extrêmement conceptuel, où le piano n'est plus qu'un support pour poser un pot de fleurs. Et il y aura d'autres activités Fluxus qui vont encore plus vers un acte violent, qui en dit beaucoup aussi sur cette envie de rompre avec la tradition musicale. Le Fluxus mettra en scène aussi des moments de rupture de l'instrument musical. Quand Mathionas compose effectivement pour marteau et clou sur le clavier. Exactement. Et donc, ouais, c'est une manière un peu de provoquer, un peu comme déjà les futuristes l'avaient fait. Hein. C'était des concerts qui n'avaient qu'une seule ambition, c'était celle de provoquer le spectateur. Ce qui est intéressant, c'est aussi que vous pointez, comme c'est quasiment dans la même décennie qu'on a ce type d'expérience qui vise à quand même ouvrir l'attention esthétique à des sons qui ne sont pas initialement musicaux, et une législation qui commence à prendre en charge les questions sonores à l'échelle publique. Oui. En effet, à la fin des années 60, alors d'un côté, nous avons toute cette série d'expériences néo-avant-gardistes qui se poursuivent. Sur la scène architecturale, on a aussi une série de projets extrêmement expérimentaux qui souvent restent plutôt des projets sur la carte, qui sont paralysés ou qui sont que des prototypes et où le son joue une partie importante parce qu'il est utilisé de manière excitante et pas comme une nuisance. Mais parallèlement, dans le domaine des réformes et de la réglementation, c'est à ce moment-là, donc à la fin des années 60, que on commence à voir dans plusieurs pays une législation qui applique des limites, des règles vis-à-vis du domaine de la construction, donc du bâtiment, de l'architecture. En France, notamment, c'est en 1969 qu'on a des premières lois qui règlent au niveau de la construction. Où il y a des notions acoustiques qui sont mises dans la réglementation de la construction des logements. Ouais. Et c'est assez étonnant parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passait avant cette date. Et en fait, beaucoup de personnes qui s'intéressent au sujet pensent qu'en fait, en réalité, si avant on agissait de manière plutôt instinctive, plutôt, voilà, si l'architecte s'est chargé de cette question de manière non contrôlée, mais de manière plutôt empirique sur le terrain, à partir de ce moment-là, on a presque un effet non souhaitable qui est celui de vouloir se décharger de la question, c'est-à-dire du moment qu'il y a une réglementation, je dessine mon bâtiment, je construis mon bâtiment et après je fais appel à un ingénieur acousticien qui vient lui corriger les éventuels défauts. Bon, c'est une des critiques qu'on a émises à ce moment-là. Et bien sûr aussi, il y aura tout un mouvement d'opposition vis-à-vis de cette approche parce que justement, tout ce qu'on avait vécu au niveau des avant-gardes au cours du XXe siècle, qui démontrait que la limite entre ce qui est de l'ordre de la nuisance, du son musical, du son agréable, devenait très floue et même très personnelle, et que tout ça était relié aussi à une question fortement culturelle, sociale ou simplement très subjective, et que donc définir une réglementation valable pour tous, mesurée simplement en décibels, était quelque chose de extrêmement limitatif et extrêmement appauvrissant pour la qualité de l'environnement sonore. Et donc, il y aura une série de réactions vis-à-vis de ce type d'approche, mais qui vont pas vraiment aboutir à quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on est toujours dans une... Enfin, la manière dont on gère l'environnement sonore au niveau de la réglementation suit toujours cette approche plutôt quantitative de mesure en décibels, etc. Michel Corboz, à la tête du Grand Chœur Universitaire et de l'Orchestre de Chambre de Lausanne dans une des symphonies sacrées de Giovanni Gabrielli. Carlotta Daro, vous expliquez que c'est l'un finalement des rares compositeurs d'avant la modernité à avoir composé en prenant véritablement en compte dans la composition même les données acoustiques de là où il devait exécuter cette œuvre. Oui. Oui, effectivement, il y a quelques cas. Il y a quelques cas dans aussi, l'histoire. Aussi, les cantates de Bach. Et Bach, absolument, qui était en fait cantor dans à Leipzig. Il prenait en compte, effectivement, l'espace, l'église ou la cathédrale ou dans lequel ils allaient interpréter la pièce qu'ils composaient. Et bon, on sait que les églises, ce genre d'espace ont des propriétés acoustiques très fortes. Donc on s'imagine bien aussi qu'un compositeur qui savait déjà à l'avance qu'il allait jouer cette pièce dans cet endroit, il pouvait en faire une sorte de... Enfin, jouer avec ses propriétés extrêmement réverbérantes dans la plupart des cas de ces espaces. Et donc ce sont des premiers exemples effectivement où le compositeur dans l'histoire se pose la question du lieu dans lequel il va sa création va être interprétée. Après, ça devient quelque chose de beaucoup plus fréquent dans l'avant-garde du XXe siècle. Mais alors pourquoi est-ce que justement c'est par l'avant-garde que la question prend un tel éclat au XXe siècle ? Parce que je pense qu'on commence à casser cette rigidité un peu formelle, c'est-à-dire la position de l'orchestre, la position du public. Et on commence à parler de ce concept nouveau en musique qui est celui de la spatialisation. On sait que traditionnellement, on dit la musique, c'est un art plutôt lié à la dimension du temps. Et on remet en cause cet attribut en disant non, la musique, ça peut être aussi quelque chose de spatial. Et donc, il y a une série de compositeurs qui, déjà au niveau acoustique, jouent sur ces questions-là. Stockhausen est un des premiers. Mais en plus, avec l'utilisation des technologies électroacoustiques, donc Varese, Stockhausen de nouveau, Xenakis, etc., les compositeurs commencent à jouer aussi sur le fait qu'on peut, par des moyens technologiques, s'amuser à diffuser le son de manière tout à fait inattendue. Et donc, un son qui bouge dans l'espace, un son qui vient de derrière, un son qui vient de tous les côtés, et qui... C'est ce que fait Avrahamov en 1922 avec la Symphonie des sirènes. Oui, bah là c'est carrément à l'extérieur. En fait, c'est un son qui devient complètement urbain et qui essaye d'élargir aussi la perception qu'on a de l'espace, puisque il va tenter de démesurer un peu les frontières acoustiques. Et... Absolument, on sort de la salle de concert et beaucoup de compositeurs du XXe siècle ont ressenti cette exigence de rompre avec cette coque et cette limite de la salle de concert. Alors comment vous expliquez que d'un côté il y a cette volonté de rupture de lieu, mais en même temps de rupture du champ de ce qui est musical, puisque Avrahamov dans la Symphonie des sirènes fait entendre aussi bien des sifflements d'usines que des cordes de brume, des feux d'artillerie, des moteurs d'hydroavions. Ça fait partie aussi de cette rupture, de cette attention pour le son de l'environnement existant. Ce sont les bruits qui, effectivement, sont plutôt les nouveaux pour les futuristes ou les constructivistes ou... En tout cas, les avant-gardes à la fois italiennes et russes et d'autres. En fait, on s'éloigne des mythes, des icônes traditionnelles pour trouver les icônes qui sont plus appropriées à leur temps. Et donc, le son d'une usine, l'engin, la mécanique devient beaucoup plus excitant, beaucoup plus parlant, beaucoup plus emblématique de l'époque dans laquelle ils vivent, plutôt que la pastorale ou la composition classique. Carlotta Daro est l'invitée de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Extrait de cette symphonie pour sirène d'usine de Avrahamov de 1922. À partir du moment où ce sont des orchestres que l'on va spatialiser, par exemple avec l'œuvre de Stockhausen Gruppen en 1955, là, on fait revenir de l'esthétique dans la question spatiale. Oui, en fait, l'espace devient un élément esthétique, d'esthétique musicale. Et en fait, on s'amuse à disposer de manière diverse et variée la composition de l'orchestre qui était jusqu'à là très rigide, très formalisée et très statique. Et donc, Gruppen, il décompose, Stockhausen décompose. En fait, la distribution de l'orchestre, mais après, elle poursuit cette démarche jusqu'à utiliser les technologies électroacoustiques. Et donc, par exemple, il réalise aussi un pavillon 1870 à Osaka, à l'exposition universelle d'Osaka, où il fait tourner le son par des haut-parleurs disposés autour d'une sphère. En fait, la salle devient une sphère réalisée avec la collaboration d'un architecte. Et donc, l'architecte, cette fois-ci, devient la figure subordonnée à la volonté du compositeur, qui voulait cette fois-ci placer le public au centre de cette sphère et faire circuler et envelopper le public par ce son en mouvement. Et après, on sait, Stockhausen, il va pratiquer ça de manière très extrême avec l'utilisation d'hélicoptères, la diffusion de son, enfin, l'exploration de l'espace en musique chez quelqu'un comme Stockhausen est primordiale et centrale dans son œuvre. C'était un extrait de Gruppen de Karlheinz Stockhausen dans une version avec l'ensemble intercontemporain et l'orchestre des étudiants du Conservatoire de Paris de début 2016 à la Cité de la Musique à Paris. Carlotta Darro, dans Avant-garde sonore en architecture, vous interrogez aussi la question de la musique d'ambiance, c'est-à-dire une musique qui ne se donne plus comme objet acoustique mais comme objet seulement spatial ou seulement décoratif, encore que le seulement ne vaut plus puisque ça se veut pas forcément réducteur, et ça c'est une réflexion qui vous vient de Satie. Oui, je pense que encore une fois c'est on retrouve les ancêtres de cette idée dans la musique, et en plus on le trouve c'est en 1920 que Satie émet cette idée, cette notion de musique d'ameublement. Et en fait, c'est l'idée que la musique, justement, c'est encore un discours sur le rituel de l'écoute de musicale qui est remis en discussion. Et donc, la musique, il veut produire une musique qui soit simplement une musique d'accompagnement. Et il la met vraiment en parallèle avec des éléments de décoration de l'espace, comme la tapisserie, parce que les titres même porteront ces noms et ces sortes de d'analogies. Donc, tapisserie, carrelage. Tout élément qui permet de décorer un lieu. Et donc, il fait une série de compositions, de petites créations qui portent sous le nom de musique d'ameublement, et pour essayer de montrer comment on pouvait composer quelque chose qui n'attire pas trop d'attention de la part du public. Alors, il fait ça juste après avoir composé la musique du ballet Parade, dans orchestre dans lequel il introduisait justement des objets du bruit quotidien. Oui, bien sûr, ce sont des démarches qui, effectivement, qui vont en parallèle, je pense. Lorsque le compositeur commence à s'interroger sur l'interaction des sons de l'environnement dans sa propre création, il commence à interroger aussi à la manière dont la musique, en sortant justement de cette salle de concert sacralisée, elle peut rentrer dans une sorte de vie de tous les jours, de quotidien. Et on sait aussi que, quelque part, il va contre un échec, parce que la première fois qu'il diffuse cette musique d'ameublement, en fait, il ne la diffuse pas, c'est toujours des interprètes, des musiciens qui, dans une galerie à Paris, en 1920, pendant l'entracte d'une pièce théâtrale qui se jouait dans cette galerie, Satie demande à ses interprètes, au milieu du public, de jouer cette composition, et l'instinct du public est de s'arrêter, d'écouter de manière très polie cette interprétation. Tout ce que Satie ne voulait pas, et on raconte qu'il aurait crié au public en disant « mais non, continue à parler, continue à déambuler, c'est pas ça l'objectif de cette pièce ». Thank you. Tenture de cabinet préfectoral, l'une des musiques d'ameublement d'Eric Satie. Pour terminer cette émission, Carlotta Darrow, peut-être un mot sur Wagner, parce que vous citez Sally Jane Norman, qui considère Wagner comme une sorte de précurseur des pratiques dadaïstes de l'œuvre de John Cage. C'est la première fois que j'entendais parler de Wagner comme d'un précurseur de John Cage. Pourquoi ? Alors, pour être sincère, je ne me souviens pas de ce passage, mais je pense que c'est dans l'idée... Bon, Wagner, bien sûr, c'est le père de cette idée qui est sous-jacente à ces diverses expériences, qui est celle de l'œuvre d'art total. Donc, on ne peut pas, effectivement, séparer la musique, l'interprétation musicale de l'espace dans lequel cette interprétation se fait, se joue. Et donc, c'est lui, bon, il parvient à construire un véritable théâtre avec des intentions précises, et donc il parvient à intervenir, à influencer la création architecturale. On peut quasiment parler de compositeur-architecte. Absolument, donc, absolument. Il a vraiment joué un rôle fondamental et plus important de l'architecte, qui encore une fois, dans ce cas, il était une sorte d'exécutant. Et donc, je pense que c'est dans cette idée de totalité de l'expérience, des sens. Et donc, John Cage aussi, c'est quelqu'un qui se définit, enfin, qui vient d'une formation de compositeur musical. Il est compositeur, mais en même temps, il parvient à nous faire comprendre, à faire passer un message comme quoi la musique va au-delà de la simple organisation des sons classiques que l'on entend en musique. Et donc, il s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on retrouve dans l'environnement, ce que l'espace nous donne, ce que la vie offre au niveau des actions de tous les jours. L'avant-garde, en fait, le rôle des avant-gardes, c'était de ramener l'art à quelque chose qui soit compris et vécu par tous. Et donc quelque chose qui soit de l'ordre de la pratique de tous les jours. Bon, Wagner, je suis d'accord, c'est encore un romantique qui est loin encore de cette pensée de remettre l'art au niveau de tous, mais il ouvre cette perspective d'un art qui comprenne tout, qui soit complètement... tout ce qui existe dans l'espace contribue à l'expérience de l'art. Et donc l'art devient plutôt non plus quelque chose à observer de loin, mais quelque chose à vivre avec la totalité des sens. Voilà. Merci beaucoup, Carlotta Darrow. Merci à vous. Thank you. Pour finir cette édition des experts, Gilles Charlassier débriefe l'émission. Avant-garde sonore en architecture, tel est le titre de la synthèse issue d'une thèse de doctorat que Carlotta Daro vient de publier aux éditions du Réel. Si les rapports de la musique avec l'architecture remontent à Pythagore, à l'aune des proportions mathématiques, ce n'est qu'au XXe siècle qu'ils s'enrichissent de manière considérable. Certes, on trouve des exemples de spatialisation avec Gabrielli ou Bach à l'âge baroque, de même que les questions acoustiques dans la construction ont longtemps été traitées empiriquement, avec parfois un soupçon de mysticisme. C'est néanmoins vers 1900 que, en même temps que l'acoustique se systématise en sciences, se font les premières excursions de la musique sur le terrain du son brut. C'est bizarre, excursion, mais on laisse. Ives est l'un des précurseurs dans une pièce conçue pour être jouée dehors, Central Park in the Dark, où l'auditeur est immergé dans les bruits de la nature. Cette remise en question de la dichotomie entre bruit et musique se prolongera jusque dans les expériences de Cage et les happenings des compositeurs du groupe Fluxus. Si l'architecte puise parfois son inspiration dans les formes musicales, c'est surtout sous les différents avatars de la spatialisation. Et son impact sur l'écriture musicale que se concentre l'innovation architecturale de l'avant-garde. Il y a bien sûr Stockhausen, qui ira jusqu'à un quatuor d'hélicoptère. Mais le travail de Carlotta Daro offre aussi un éclairage sur l'invention des dadaïstes et des futuristes dans les premières décennies du XXe siècle, qui illustre par exemple les musiques d'ameublement de Satie. Oula, il y a beaucoup trop de queues là. Attends, faut que je reprenne. Mais le travail de Carlotta Daro offre aussi un éclairage sur l'invention des dadaïstes et des futuristes dans les premières décennies du XXe siècle. Par exemple, les musiques d'ameublement de Satie qui renouvellent le statut de la musique en même temps qu'elle se fait aménagement de l'espace. Une conception que l'on peut déjà deviner chez Wagner. On retrouve d'ailleurs ces mots dans Parsifal. Zum Raum wird hier die Zeit. Ici, le temps devient espace. Wagner a beau être un compositeur romantique, sa conception de l'art total porte peut-être en germe les audaces à Venise. Bon, attends, je reprends le truc sur Wagner, là. Une conception que l'on peut déjà deviner chez Wagner. On retrouve d'ailleurs ces mots dans Parsifal. Zum Raum wird hier die Zeit. Ici, le temps devient espace. Wagner a beau être un compositeur romantique, sa conception de l'art total porte peut-être en germe les audaces à venir. En somme, que le paradigme architectural permet un renouvellement de l'historiographie musicale.